بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc nous allons finir la deuxième partie de notre cours de notre cheikh Cheikh Adil Sayyid Hamdallah Ta'ala, qui était une réfutation à la secte des coranistes, ceux qui prennent le Coran et qui rejettent la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes arrivés à la partie du cours de notre cheikh où il prend quelques exemples qu'utilisent les coranistes pour appuyer leur innovation et il les réfute sur ces exemples. Hafidhahullahu ta'ala. L'exemple qu'il a pris ici, c'est l'exemple de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles, où il dit « Il vous a été interdit la bête morte ». Et le shir de nous dire que celui qui prend ce verset sans s'appuyer sur la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'interdira l'ensemble des bêtes mortes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu, qu'ils n'ont pas été sacrifiés d'une manière légiférée. Et il passera à côté de ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré dans ce hadith où il nous dit, dans le sens approximatif de ses paroles, qu'il nous a été autorisé deux mortes ou deux bêtes mortes et deux sang. Les deux bêtes mortes sont les sauterelles et les poissons, et les deux sangs sont le foie et la rate. Comme cela, le shir nous prend comme exemple la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit dans le sens approximatif de ses paroles, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu'Allah. Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Le cheikh de nous dire, Hafidhahullahu ta'ala, que la personne qui se contentera de lire ce verset ne s'autorisera que, ne s'interdira que les choses qui ont été interdites dans ce verset, qui ont été rappelées dans ce verset, alors que celui qui reviendra vers la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam verra que ce dernier nous a interdit certaines choses dans sa sunna qui ne sont pas évoquées dans ce verset, comme par exemple lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens approximatif de ses paroles qu'il nous est interdit tout animal ayant des canines et tout oiseau ayant des serres. Ceci sont des choses que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans sa sunna et qui ne sont pas évoquées dans ce hadith, dans ce verset pardon, où Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens approximatif de ses paroles, dit « Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête morte, ou la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc. » Donc ici, Allah azza wa jalla, comme nous le dit le shir, a évoqué certaines choses qui nous sont interdites, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé ce verset dans sa sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes de sa prophétie, nous a évoqué dans un hadith qui est jugé authentique par Cheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, qui est rapporté dans plusieurs recueils de Sunan. Il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, il s'en faut de peu, ou il viendra dans peu de temps une personne qui sera allongée sur un divan qui dira: je ne sais pas ce que vous trouvez dans le livre d'Allah de licite, rendez-le donc licite, et ce que vous trouvez dans le livre d'Allah qui est illicite, qui est interdit, rendez-le interdit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire à la fin de ce hadith: ne m'a-t-il pas été donné le Coran et son équivalence avec lui, c'est-à-dire sa sunna. Et dans une version de ce hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ses paroles: n'est-il pas ce que le prophète a interdit comme ce que Allah a interdit, et ce que le prophète a rendu licite comme ce qu'Allah a rendu licite. Et ceci fait partie des signes de la prophétie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il parle bien de ces gens-là sur lesquels notre shir a fait une réfutation aujourd'hui. Le shir de nous dire que ces personnes-là, ce sont des menteurs. Ils disent, ils mentent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils inventent un hadith et ils disent que, ou ils prétendent qu'il aurait dit: ce qu'il vient de vous, ce que vous entendez de, ce qu'il vous parvient, ce que vous entendez de moi comme hadith, eh bien, comparez-le au Coran ou faites-en une comparaison avec ce que vous trouvez dans le Coran. Et le shir de nous dire que ce hadith est un hadith inventé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit cela, et que ces derniers mentent sur lui en inventant ce hadith, cette parole. Et il dit, hafidhahullah, que certains parmi les ulama, parmi les savants, ont dit: nous avons comparé ce hadith que vous avez certes inventé avec le livre d'Allah, et nous avons trouvé que ce hadith n'était pas un hadith à prendre, comme eux inventent ce hadith pour dire que ce que vous trouvez dans le livre, dans la sunna, qui va à l'encontre de ce qu'il y a dans le Coran, et bien délaissez-le. Et bien ces savants-là ont dit: nous avons pris ce hadith que vous avez inventé, nous avons fait sa comparaison avec ce que nous trouvons dans le Coran, une comparaison avec entre ce hadith et ce qu'il y a dans le Coran, nous avons trouvé qu'il n'est pas en concordance avec ce qu'il y a dans le Coran, donc nous l'avons délaissé, votre hadith inventé, car dans le Coran nous voyons que Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ses paroles, et ce que vous donne et ce avec quoi vient ou vient à vous le messager d'Allah azza wa jalla, prenez-le donc, et ce qui vous interdit, délaissez-le donc. Et ils disent, ces gens, les coranistes, que le Coran est une preuve en lui-même et qu'il n'a pas besoin d'être détaillé. Certes, c'est une preuve en lui-même, mais il a besoin d'être détaillé par la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce verset que nous venons d'évoquer. Il dit aussi, notre cher, que ces personnes, les coranistes, prennent comme preuve la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire: qui les a détournés de la direction, leur qibla, vers laquelle ils s'orientaient auparavant? Dit: c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant, il guide qui il veut vers un droit chemin. Et le shir de nous dire que ça, c'est la parole des faibles d'esprit, comme l'a évoqué Allah tabaraka wa ta'ala. Et bien sûr, si on demande aux gens aux coranistes de nous dire quelle est cette qibla, eh bien ces derniers ne pourront nous le dire que par ce qui est venu dans la sunna. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, où que vous soyez, tournez vos visages, certes, tournez vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de ton Seigneur et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Le cheikh de nous dire que la mosquée sacrée, ici donc Al-Kaaba, qui leur a montré que cette mosquée sacrée qui est voulue dans le Coran, eh bien Al-Kaaba, qui se trouve à Mecca, dans la ville de la Mecque. Qui est cette personne qui leur a montré? C'est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est bien dans sa sunna que nous avons su cela. Et le shir de nous dire aussi par rapport à l'adhan que n'importe lequel des musulmans connaît par cœur l'adhan, l'appel à la prière. Si vous cherchez dans le Coran, vous n'y trouverez pas de traces qui évoquent l'adhan. Comment est-il fait et comment est-il à faire? Vous trouverez cela que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc par cela, vous réfutez la secte des coranistes. Aussi, al-khutba du jour de al-jumu'ah et la prière de al-jumu'ah. Vous ne trouvez la preuve de cela que dans la sunna, la preuve détaillée de cela que dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir de nous rappeler encore une fois que les premiers qui ont été à se mettre à l'encontre de la sunna et qui ont refusé la sunna sont al-khawarij, aussi al-shi'a et certains parmi al-mu'tazila. Donc ces gens qui sont les coranistes, même s'ils ne s'affilient pas à ces sectes-là, ils ont pris de eux car ce sont eux qui sont venus les premiers avec cette innovation et cette ambiguïté. Et le cheikh nous rappelle une parole ici de cheikh Abdelrazzaq Afifi, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des grands savants, un égyptien qui était parti parmi les grands savants du monde musulman, qui était le second de cheikh Abdelaziz ibn Baz, l'imam, rahimahullah ta'ala, dans l'Ifta, en Arabie Saoudite. Dans un de ses livres, Shubuhat, Hawl Sunnah, il dit, dans le sens de ces paroles, que la personne qui va réfuter les ambiguïtés de ceux qui ont des ambiguïtés autour de la sunna, puisque c'est bien ça le sujet du livre, ceux qui ont des ambiguïtés autour de la sunna, celui qui va se mettre en avant afin de les réfuter, il devra bien choisir ses armes et bien regarder la personne qu'il a en face de lui, car ils sont de degrés différents. Il y a parmi eux ceux qui n'acceptent pas du tout la sunna, rien du tout de la sunna. Il y a parmi eux ceux qui acceptent une partie de la sunna et qui rejettent une partie de la sunna. Et donc le shir détaille ou rapporte une partie de cette parole donc de shir Abdelrazzaq Afif et nous dit que la manière que tu as de réfuter ces gens là les coranistes est d'évoquer ce qui est passé, c'est à dire leur dire par rapport à la prière, elle est évoquée dans le Coran, mais la personne ne peut pas prier la même prière que les musulmans prient que en revenant vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareil pour az-zaka, l'aumône légale. Pareil pour le hajj, le pèlerinage. Pareil pour al-adhan ou al-jumu'ah, et ainsi de suite. Le shir nous dit aussi par exemple al-isra, nous leur demandons à ces coranistes, qu'est-ce que l'isra? Est-ce que vous croyez en l'isra, le voyage nocturne? Ils diront oui. D'où est-ce qu'a été fait al-isra, c'est-à-dire d'où est parti le prophète sallam dans ce voyage nocturne? Ils diront de la mosquée sacrée de la Mecque. Vers où? Vers al-Masjid al-Aqsa. Pourquoi? Car ceci est rapporté donc dans ce verset où Allah Azza wa Jal dit: gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour. Donc cela, ils y croient, mais le shirk de nous dire encore une fois, dis-nous, toi le coraniste, où est al-Masjid al-Haram? Quelle est-elle? Et quelle est al-Masjid al-Aqsa? Qui t'a montré qui sont ces mosquées-là? Qui a détaillé ce qui est venu dans le livre d'Allah? C'est bien notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous l'a détaillé. Et le cheikh de finir le cours en nous disant que les coranistes nous disent qu'ils expliquent le Coran, puisqu'ils n'expliquent pas par la sunna, ils l'expliquent par la langue arabe. Et car donc Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Coran en langue, dans une langue arabe claire, comme il nous le dit dans le sens approximatif de ses paroles. Et donc ils nous disent qu'ils expliquent le Coran selon la langue arabe, selon le sens des mots dans la langue arabe. Et nous leur disons donc d'où, à quel ouvrage te réfères-tu? Ils nous diront: je me réfère à Lisan al-Arab d'Ibn Mandour, ou à tel et tel livre parmi les dictionnaires et les livres de référence dans la langue arabe, comme Al-Bahr al-Muhit, etc. Eh bien, nous leur disons à ces personnes-là: comment t'ont été rapportés ces livres-là? Est-ce que ces livres-là t'ont été rapportés d'une chaîne de transmission ou pas? Ils te diront: oui, d'une chaîne de transmission. Eh bien, pourquoi ne prends-tu pas donc la chaîne de transmission qui est rapportée par As-Sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien, qui sont rapportés de sources sûres, qui rapportent la sunna du prophète sallam, et tu prends des paroles dans ces livres de langue arabe qui disent, comme par exemple certains parmi l'a'imma de langue arabe qui disent: j'ai entendu un arabe dire cela. Donc un arabe, c'est quelqu'un d'inconnu. Il a juste dit que c'est un arabe parmi les arabes qui vivent dans Al-Badia, qui vivent dans la campagne à l'extérieur de la civilisation, de la ville. Eh bien, il disait comme cela, et donc ce mot voulait dire cela. Eh bien, tu prends la parole de quelqu'un qui rapporte d'une personne qui est inconnue, et tu délaisses la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que son Seigneur tabaraka wa ta'ala lui a donné la tâche d'éclaircir le Coran, comme nous avons vu au début du cours, ainsi que ces paroles donc qui sont rapportées de As-Sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien, qui sont des personnes qui sont justes et sûres. Et tu délaisses donc cette parole-là pour prendre des paroles de gens qui sont qui sont méconnus. Et ainsi, le shir termine par une dernière ambiguïté qu'il donne et qu'il jette les coranistes lorsqu'ils disent que Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ces paroles: nous avons fait descendre sur toi al-dhikr, afin que tu l'éclaircisses aux gens. Al-dhikr, le rappel. Ils disent que al-dhikr ici, c'est le Coran, c'est le livre d'Allah Azza wa Jalla. Et le shir doit nous dire qu'Ibn Hazm a une recherche qui est très profitable, où il explique et il rapporte des preuves sur le fait que al-dhikr, ce qui est voulu ici, ce n'est pas seulement le Coran, c'est toute chose qui aura été révélée à un prophète ou à des prophètes, aux prophètes en général. Donc al-dhikr, cela englobe le Coran, qui est une révélation qui a été faite à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui englobe aussi sa sunna, qui elle aussi est une révélation, comme nous le dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, dans ce verset où il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, tabaraka wa ta'ala, il dit: il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, d'une révélation inspirée par Allah tabaraka wa ta'ala. Et le shir de nous donner ce dernier point avant de terminer son cours, afin de pouvoir réfuter cette secte des coranistes. Et il nous dit que si vous voulez les réfuter, il faut les réfuter sur avec ces preuves là que nous avons données. Et le shir s'excuse en nous disant que le cours, le temps ne suffisait pas pour bien exposer toutes leurs ambiguïtés. Inch'Allah, si on a l'occasion dans le futur de faire un autre appel avec lui, habidahullah ta'ala, qu'il détaille plus les ambiguïtés et comment réfuter cette secte des coranistes qui prennent le Coran et qui délaissent la sunna, qui prétendent prendre le Coran et délaisser la سنة دونت البروفات محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.